الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au quatrième pilier de la foi, l'iman de Rusul, la foi en les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on commence, le cheikh dit الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالته وإقامة حجته على خلقه والإيمان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله. Donc le cheikh il dit la foi en le messager d'Allah, c'est un des fondements de la foi. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont l'intermédiaire entre nous ou entre Allah et sa création dans la transmission de son message et dans l'établissement de l'argument ou de la preuve contre sa création. La foi en les messagers, ça comprend ou ça inclut le fait de croire en la véracité de leur message et d'affirmer le fait qu'ils sont des prophètes et qu'ils sont véridiques dans ce qu'ils ont informé les gens au sujet d'Allah et qu'ils ont bien transmis les messages et qu'ils ont clarifié pour les gens ce qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer. Hein. Et le cheikh dit والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة منها قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc le cheikh il mentionne des preuves, il dit les preuves de l'obligation de croire aux messagers, elles sont nombreuses. Parmi celles-ci, on retrouve le verset dans lequel Allah SWT il dit la bonté consiste plutôt à croire en Allah et au jour dernier et aux anges et ainsi qu'aux livres et aux prophètes. Et dans un autre verset qu'il mentionne, il dit ils ont tous cru en Allah, aux anges, à ses livres et à ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre ces messagers. Et dans un autre verset, Allah SWT, il dit, ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et en ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons les autres, et ils veulent créer ou prendre une voie entre les deux, c'est-à-dire entre ça, et entre ces deux choses-là, de croire en certains et de ne pas croire en d'autres, de croire en Allah et de ne pas croire aux messagers ou des choses de ce genre, alors ceux-là, Allah dit que ce sont les vrais mécréants. Ulaika hum al-kafirun haqqan. Donc ce sont les vrais mécréants. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, par exemple, les musulmans, ils sont obligés de croire en tous les messagers qui viennent d'Allah. Et donc, on peut pas dire, par exemple, je crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais je crois pas en Jésus ou Isa, ou je crois pas en Moussa ou un autre. on doit croire tous les messagers, puis celui qui refuse d'en croire un seul d'entre eux, eh bien, automatiquement, il a quitté la foi. Et après, le cheikh dit, فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ قَرَنَ اللَّهُ الْإِيمَانَ بِالرُّسُلِ بِالْإِيمَانِ بِهِ سُبْحَانَهُ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَحَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَأَنَوَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ. Donc, le cheikh dit dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé ou il a mis ensemble le fait de croire en ses messagers et le fait de croire en lui, Allah, et aussi de croire en ses anges et ses livres. Et il a décrété que celui qui fait une distinction entre Allah et ses messagers dans la foi, alors, c'est-à-dire qu'il a cru en certains et qu'il a rejeté d'autres, il a décrété que cette personne-là est un mécréant. Après, il dit, وَبَعَثَ الرُّسُلْ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ لِأَنَّ حَاجَةُ الْبَشَرِيَّةِ إِلَيْهَا ضَرُورِيَّةِ فَلَا تَنْتَظِمُ لَهُمْ حَال وَلَا تَسْتَقِيمُ لَهُمْ دِينَ إِلَّا بِهِمْ فَهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الرَّسُلْ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الرُّسُلْ وَسَائِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وفي تعريفهم لله بما ينفعهم وما يضرهم وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله ويكرهه فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a envoyé ses messagers à l'humanité, c'est une grande miséricorde, une grande bénédiction, un grand bienfait, ni'ma pour l'humanité. Parce que le besoin que l'humanité a pour les messagers, c'est une nécessité absolue. C'est de cette façon-là, c'est par les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'organiser leur situation et qu'il est capable de faire, de mettre de les mettre sur la religion de la droiture. Et ils ne sont pas capables de se mettre droit dans ces choses-là, excepté par les messagers. Parce que les êtres humains ont un besoin des messagers qui est plus grand que leurs besoins pour la nourriture et la boisson. C'est-à-dire, les êtres humains ont plus besoin de messagers qui viennent d'Allah avec la guidance qu'ils ont besoin de manger et de boire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les messagers soient les intermédiaires entre eux et sa création. Du fait que les messagers, ils nous font connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ils nous font connaître ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais, hein, et il nous clarifie les règles, les lois, et nous clarifie qu'est-ce qui les ordres et les interdictions et qu'est-ce qui est permis pour nous, et il nous clarifie ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors il n'est pas possible, il n'y a pas d'autre façon ou d'autre chemin pour connaître ces choses-là, excepté que par la voie des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la raison par elle-même, elle n'est pas capable de nous donner tous les détails de ces questions-là. Et même si on est capable d'en connaître un peu par la raison, mais de façon générale, mais on ne peut pas connaître tous les détails de comment être bien guidé dans cette vie. Et puis la dernière fois, le dernier cours, j'avais parlé un peu de ça en ce qui concerne les livres, parce que le cheikh avait mentionné un petit peu la même chose aussi, il y a des livres, des révélations d'Allah. Et puis, j'avais donné quelques exemples, sauf que j'avais oublié un point là, c'est que actuellement, bon, les non-musulmans ou les kuffariens, en général, ils ont développé beaucoup de technologies et beaucoup de sciences qui leur permettent d'avancer, de faire beaucoup de choses dans les choses de la vie, qui nous facilitent les choses, d'accord? Mais souvent, le fait qu'ils n'ont pas de guidance qui vient d'Allah, le fait qu'ils n'ont pas suivi une révélation qui vient d'Allah, lorsque ces gens-là ont découvert certaines réalités de la nature ou du monde qu'Allah a créé, eh ben, ils ont utilisé ces moyens-là sans jamais regarder les conséquences de qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors, des fois, ils rentrent, ils commencent à faire certaines inventions qui sont nuisibles pour la nature, ou nuisibles pour les êtres humains, pour les animaux, pour la nature générale. Mais étant donné que pour eux, étant donné qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient pas en jugement dernier, eh ben, pour eux, yani, ça n'a aucune importance, l'aspect moral de ces choses-là. Le fait de détruire la nature, de polluer, de faire tout le mal, ça n'a pas beaucoup d'importance pour eux, parce que la seule chose qu'ils regardent, c'est l'aspect économique et le profit. Donc si par exemple, une fois j'avais discuté de ça avec un prof qui n'était pas musulman, et puis j'avais parlé avec lui de la technologie, puis les sciences et tout ça, et lui il était athée, et lui il me disait que regarde quand les gens ont réussi à se libérer de la religion, regarde comment ils ont réussi à développer toutes ces sciences-là, que s'ils avaient resté accrochés, s'ils étaient restés accrochés à la religion, ils n'auraient pas pu découvrir tous ces détails de la science-là. Puis qu'aujourd'hui, regardez qu'est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a fait avancer grâce à la science. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est vrai que la science, depuis que les gens ont laissé la religion, la science s'est développée, elle a avancé très rapidement. Mais à quel prix? Hein? Regarde, si on regarde tous les effets néfastes que ça a eu dans la nature, dans les sociétés, comment ça a détruit les gens, juste en prenant par exemple l'exemple de la révolution industrielle en Europe, comment on faisait travailler des petits-enfants dans les usines, il n'y avait aucune règle, aucune loi de protection pour ces gens-là. Subhanallah, c'était des lieux tellement dangereux et aussi qui étaient sales, et puis on laissait les gens travailler dans des conditions vraiment inhumaines. C'est juste pour dire que c'est vrai que avec la science on a évolué, mais la science nous guide pas. La science nous montre pas nécessairement ce qui est bien, ce qui est mal, et nous fait pas réfléchir aussi sur le sens que on va être jugé pour tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, si la religion avait gardé la même importance qu'il avait avant, et que les hommes avaient respecté les règles d'Allah tout en étudiant la science, c'est sûr qu'on ne serait peut-être pas avancé aussi vite ou à la même vitesse, sauf qu'on aurait pu essayer d'éviter beaucoup de malheurs, beaucoup de désastres, beaucoup de choses qui sont nuisibles à notre environnement et à notre société. Par exemple, juste prendre l'exemple des voitures. Okay. On a développé la technologie qui nous permet d'avoir des voitures qui vont plus rapidement, puis tout ça. Sauf que l'essence, ça pollue. Si les compagnies les compagnies de voitures voulaient faire une voiture qui ne pollue pas la nature, ils seraient capables de le faire. Mais ce serait beaucoup, beaucoup trop cher pour la production. Et puis, donc, étant donné que c'est une question bon, d'argent qui passe avant tout, eh bien, ils ne vont jamais prendre ça en considération. À l'huile du futur, ou même il y a des voitures maintenant qui fonctionnent avec l'énergie, la batterie ou d'autres moyens. Maintenant, ils ont fait des voitures qui marchent. Je ne sais pas si c'est à hydrogène ou je ne sais pas quoi exactement. En tout cas, il y a plein de nouveaux types de carburants qu'ils essaient d'inventer pour ne pas faire de pollution. Donc, je pense que c'est sûr qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est juste que la volonté de le faire, c'est de prendre le temps. Quand les gens ont vraiment la crainte d'Allah, ils ont vraiment compris la réalité de la vie sur terre et tout ça, pourquoi on vit, et bien je pense que les hommes seront capables de faire des améliorations dans ces choses-là. Mais sans la foi en Allah, c'est pas possible de faire un changement réel. Donc, l'intérêt économique va toujours avoir le dessus. Donc, le chef ensuite, il continue en citant une parole d'Allah dans laquelle il dit, قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Donc le verset qu'il a mentionné, ça dit « Les hommes formaient une seule communauté, puis Allah a fait venir ou a fait susciter des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Et il a envoyé ou fait descendre sur eux, leur a révélé des livres en vérité pour qu'ils jugent parmi les hommes au sujet des choses qu'ils sont en désaccord. » Donc ça c'est le verset qu'il a mentionné. Puis ensuite il dit « وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que la nécessité que les hommes ont pour les messages qui viennent d'Allah, elle est beaucoup plus grande que la nécessité que le malade a pour avoir un médecin. C'est-à-dire la nécessité, le besoin que le malade a d'avoir un médecin, elle est moins grande que son besoin pour les messages d'Allah. Pourquoi? Parce que le pire qui pourrait arriver à la personne qui n'a pas de médecin, c'est que son corps soit en mauvais état ou en malade. Tandis que ce qui peut arriver lorsqu'il n'y a pas de message qui vient d'Allah, eh bien c'est plus grave parce que c'est le mal, c'est le malaise du cœur, c'est le fait que le cœur soit malade. Et ça c'est encore plus grave que le fait que le corps soit malade. Hein? Et le chef il dit que il n'y aurait même pas d'être humain qui resterait sur terre, parce que tant qu'il y a un message d'Allah sur terre, c'est tant qu'il y aura des hommes sur la terre, tant qu'il y aura le message d'Allah. Mais aussitôt que le message d'Allah est disparu ou qu'il va disparaître, et bien c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va faire établir le jugement dernier. Ensuite il dit والرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم وهم 25 ومنهم 18 ذكرهم الله تعالى في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين والباقون هم سبعة ذكروا في آيات متفرقة. Donc le cheikh il dit que les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par leur nom dans le Coran, il est obligatoire de croire en eux, et ils sont 25, c'est-à-dire il y a 25 messagers qui sont mentionnés par leur nom dans le Coran. Et le cheikh il dit qu'il y en a 18 qu'Allah a mentionné dans un seul passage dans le Coran, et c'est dans le verset dans lequel il dit tilka hujjatuna, et voici notre argument, celle que nous l'avons donné à Abraham pour son peuple, et nous élevons en degré qui nous voulons, et après il dit et ton Seigneur est certes sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et tous les deux ont été guidés, nous les avons guidés, et Noé nous l'avons guidé précédemment, et parmi ses descendants, Daoud et Suleyman, et Ayoub, Job, et Youssef, Joseph, et Moussa, Moïse, et Haroun, Aaron. Wa kadhalika najzi al-muhsinin. Et c'est de cette manière que nous récompensons les bienfaisants. Et ensuite il dit, et Zacharie, Zacharia, et Yahya, Jean, Jean le Baptiste, qu'on appelle, ou Isa, c'est-à-dire Jésus, ou Elias, Élie, oui, Élie, Kullal Munas Salihin, ils étaient tous parmi les vertueux, ou Ismaïl, et Ismaïl, ou Yasa'a, Yasa'a c'est Élisée, ou Yunus, Yunus c'est Jonas, oui, ou Louta, Lot, ou Kullal Fadbalna al-Alamin. Et tous ceux-là, nous les avons préférés dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Donc, ça c'est les 18 qui sont mentionnés dans ce passage-là seulement. Dans Surat Al-An'am, le verset 33 et jusqu'à 36. 33 à 36 dans Surat Al-An'am. Et les autres, le cheikh dit les autres, sont, les 7 autres sont mentionnés dans différents versets. Et après le cheikh dit ومن لم يسمى في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالا قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit le chef qu'il y a des messagers qui ont été nommés dans le Coran parmi les messagers, et ceux-là, non, il y a des messagers qui n'ont pas été nommés par leur nom dans le Coran, et ceux-là, on doit croire en eux de façon générale. Hein? Et il mentionne comme preuve de ça le verset dans lequel Allah SWT dit, nous avons envoyé des messagers avant toi, parmi eux, il y en a dont on a parlé d'eux, on t'a parlé d'eux, et d'autres, on ne t'a pas raconté rien à leur sujet. Et dans un autre verset, Allah dit, ça c'est dans Surat Ghafir, le verset 78. Et dans un autre verset, Allah dit, il y a des messagers au sujet desquels on t'a raconté des choses, et d'autres messagers, on t'a raconté des choses à leur sujet, les messagers qui étaient avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, après lui, il n'y en a pas. Et après, il dit, wa rusulan lam naqsushum alayk. Les autres messagers, on ne t'a rien raconté à leur sujet. Non, il y en a qui disent que c'est un messager, mais on ne peut pas affirmer. On ne peut pas affirmer ça parce qu'on n'a pas de preuve vraiment. Et puis on sait que, en fait, quand on regarde les enseignements et les pratiques des aujourd'hui, on voit que ça ne correspond pas aux enseignements des messagers d'Allah. Donc il y en a qui disent, bon, c'est parce qu'ils ont déformé ces enseignements après, par la suite, bon. Mais il y avait beaucoup de peuples qui, non, oui, c'est vrai. Mais ça ne peut pas être une preuve elle-même, parce qu'on doit commencer par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. La ilaha illallah, c'est la base du message, c'est tous les messagers. Donc, si on ne trouve pas cette base-là chez les enseignements de Bouddha, ou de l'autre, parmi les hindous ou les autres peuples, eh bien on ne peut pas affirmer que ce sont des messagers. Il faut absolument qu'il y ait cette base de tawhid. Parce que Allah SWT dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Hein, on a fait susciter dans chaque peuple un messager pour leur dire, pour qu'ils leur disent à leur peuple, اَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Adorez Allah SWT et écartez-vous du طَاغُوتِ. Donc si on ne retrouve pas ça, alors on sait que ce n'est pas le message d'un messager. والله أعلم. يا قال الشيخ وهنا مسألة تحتاج إلى بيان وهي الفرق بين النبي والرسول. فالفرق بين النبي والرسول على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وكل من النبي والرسول يوحى إليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل ويؤمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة أما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار ويدعونهم إلى توحيد الله وعبادته فهم يرسلون إلى مخالفين يكذبهم بعضهم والرسول أفضل من النبي نعم Donc, le chef, il dit, il y a un point important ici à clarifier, c'est la distinction entre, ou la différence entre le messager et le prophète, ou le prophète et le messager. Il dit, la différence, comme c'est la différence populaire au sujet du prophète et du messager, c'est que le messager, c'est un homme, un mâle, un être humain masculin, il y en a un homme, auquel on a donné une révélation et on lui a révélé une loi à suivre et on lui a ordonné de la transmettre. Tandis qu'un prophète, c'est un homme qui a reçu une révélation, lui aussi, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Mais le cheikh il dit, mais le prophète et le messager, les deux ont reçu une révélation. Sauf que le prophète, il peut être envoyé à un peuple qui est déjà croyant et qui ont cru déjà à des prophètes précédents, qui sont venus déjà avant, comme par exemple le prophète des fils d'Israël, des enfants d'Israël, eh bien, ils étaient déjà croyants, ils avaient déjà reçu la loi de Moïse, puis à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait d'autres prophètes, pour juger parmi eux d'après la loi de Moïse. Donc, ils ne venaient pas avec une nouvelle loi, mais ils venaient seulement les rappeler, ou des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le chef il dit, il envoyait un prophète à ces gens-là avec une question particulière ou un point spécifique pour leur rappeler ou pour leur dire quelque chose en particulier. Tandis que les messagers, eux, en général, ils sont envoyés à des peuples qui sont mécréants, c'est-à-dire qui ne sont pas croyants en partant. Et ils les appellent à l'unicité d'Allah et à son adoration. Et ils sont envoyés à ceux qui sont en contradiction avec eux et à ceux qui les traitent de mensonges, ou qui traitent certains d'entre eux de mensonges. Et le cheikh il dit que les prophètes, que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et cette distinction-là, c'est important. Pourquoi? Parce que, Allah SWT, il dit par exemple, ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le père d'aucun d'entre vos hommes. Mais, par contre, il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes ou celui qui vient terminer la prophétie, le dernier des prophètes. Il y a un passage même que le cheikh va en parler de ça. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Donc, on va en parler plus tard, mais c'est juste pour mentionner un point, c'est que, par exemple, il y a des groupes comme, par exemple, les Nation de Farrakhan, les groupes de Farrakhan aux États-Unis, les Black Muslims, les Ahmadiyya, ils prétendent qu'il y a un autre prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on leur montre que, par exemple, Allah il dit dans le Coran, Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, eux ils disent, ouais, Elijah Mohammed il n'est pas un prophète, il est un messager. Hein? Donc s'il est un messager, eh bien, ça veut dire que c'est spécifique là, le fait qu'il y a un dernier messager, un dernier prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un dernier messager. Donc ils essaient de dire que, alaykum salam wa rahmatullah, ils essaient de dire que, donc, étant donné que ce n'est pas écrit dans le verset qu'il y a un dernier, que c'est le dernier messager, donc il peut y avoir d'autres messagers après. Sauf que le problème, c'est justement qu'en réalité, s'ils connaissaient la distinction entre le prophète et le messager, ils auraient compris qu'en réalité, le messager, tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Donc, dans la définition du messager, il rentre la prophétie aussi. Mais dans la prophétie, eh ben, ça exclut le message. Alors, s'ils disent que Elijah Mohammed est un prophète, qu'ils disent que Elijah Mohammed est un messager, eh ben, c'est impossible de dire qu'il est un messager et qu'il n'était pas un prophète, puisque tout messager doit être un prophète. D'accord? Donc, si Allah il dit par exemple, Khatam al-Nabiyyin, que Mohammed est le dernier des prophètes, alors ça inclut aussi qu'il n'y aura plus de messagers. Que le dernier, le prophète Mohammed c'est le dernier des messagers. Et donc, dernier des prophètes aussi. Puisque tout messager est un prophète. Le Cheikh dit, وَالرُّسُلْ يَتَفَضَلُونَ قَالَ تَعَالَى تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Donc, les messagers d'Allah, ils ne sont pas tous au même niveau, ils ne sont pas tous égaux. Il y en a des messagers qui sont meilleurs que d'autres. Et là, le Cheikh, il explique, il donne un verset dans lequel Allah, il dit, voici les messagers, nous en avons préféré certains au-dessus d'autres. Ok? Et après le Cheikh, il continue, il dit, أفضل الرسل أولو العزم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc le Cheikh il explique ici que les meilleurs messagers ce sont Ulul Azm. Allah les appelle Ulul Azm. Et Ulul Azm en français on peut traduire comme ceux qui ont la fermeté. Hein, ceux qui ont la fermeté. Et ils sont cinq. Noé, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les cinq qu'on appelle Ulul Azm parmi les messagers. Ce sont les cinq plus grands messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont mentionnés dans les versets comme, et nous avons appelé, lorsque nous avons pris des prophètes un engagement de toi ainsi que de Noé, de toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de Noé, et de Ibrahim, et de Moussa, et de Isa, et de fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un lourd engagement. Okay? Donc, ça, que ces cinq-là, c'est pour spécifier que ces cinq-là, c'est les cinq plus grands prophètes, messagers et prophètes. Et après, Allah, il dit dans un autre verset, nous avons, légiférer pour vous comme religion ce qu'on avait enseigné ou donné à Noé et ce qu'on t'a révélé à toi et ce qu'on a donné à Ibrahim et à Moïse et à Isa, c'est-à-dire Noé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa et Isa, c'est les cinq plus grands messagers. Et le Cheikh il dit ensuite, أفضل أولي العزم الخليلان. عليكم السلام حسن. Comment ça va? الحمد لله. Ça va, il faut se retrouver, hein. Inch'Allah. Il dit, les meilleurs parmi les messagers, parmi les أولي العزم, parmi eux, les meilleurs c'est الخليلان. C'est-à-dire, Ibrahim et Muhammad. Ce sont les deux خليل d'Allah. C'est-à-dire les deux amis proches d'Allah. Allah il les a pris ces deux-là comme des khalils. Et puis il dit wa afdal al-khalilan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de ces deux khalil, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh il dit هذا والنبوة تفضل واختيار من الله تعالى كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفس وتنقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit que la prophétie, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il aime et à qui il a choisi. Allah il dit dans le Coran, Allah il choisit qui il veut parmi les anges et les messagers et parmi les hommes. Il choisit qui il veut comme pour être des messagers et parmi les anges et les hommes. C'est lui qui les choisit. Et c'est pas quelque chose qui est acquis, que tu peux acquérir en faisant des efforts ou en te forçant à faire des formes d'adoration spéciales ou en essayant de faire des obéissances à Allah qui sont très difficiles ou en essayant de forcer ton âme à devenir plus droite ou en purifiant ton intérieur et en corrigeant ton caractère. C'est pas ça qui peut faire que tu peux acquérir la prophétie ou devenir un prophète. Comme par exemple certains soufis, Cheikh il dit كما يقول الفلاسفة أنه يجوز اكتساب النبوة حيث يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها تنطلق مرآة باطنه وتفتح بصيرة لبه فيتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره. Donc pour eux, pour les philosophes, certains parmi les soufis, quelqu'un peut acquérir la prophétie. Il y a beaucoup parmi les soufis qui ont prétendu même avoir atteint ce niveau. D'accord? Et donc, ils pensent qu'en faisant certains exercices spirituels ou en certains exercices intellectuels de ce genre, ils sont capables de devenir des prophètes. Et donc, la conception de la prophétie chez les philosophes, c'est comme un être humain intelligent et qui a une grande imagination, comme pour eux peut-être même que Platon ou Aristote sont des prophètes, d'accord? Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qu'Allah donne à qui il choisit parmi les hommes ou les anges. Et le cheikh il dit par la suite, فَلِلْنُبُوَةِ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ ثَلَاثُ خَصَائِصٍ. La prophétie chez les philosophes, elle a trois caractéristiques. الأولى القوة العلمية. وعليكم السلام ورحمة الله. بحيث ينال العلم بدون تعلم. بل بطريقة القوة. Donc, premièrement, ils croient que c'est la force de la connaissance. Et chez eux, la connaissance, elle s'apprend, elle se gagne pas par l'éducation ou l'étude. Elle vient par la force, de cette façon, comme ça, pas par l'étude. Deuxièmement, قوة التخيل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها. يعني une force d'imagination à un tel point qu'il est capable d'imaginer que des êtres lui parlent, ou se présentent à lui d'une certaine façon. Ça, pour eux, c'est ça la prophétie, c'est sa force d'être capable d'imaginer les choses. Et troisièmement, quwwatut ta'thir fil nas, d'avoir du charisme, d'être capable d'influencer les gens. وهي التي يسمونها التصرف في هيولي العالم. Donc c'est ça, le fait d'être capable d'influencer les gens et tout ça, ça c'est la troisième caractéristique de la prophétie. Et après il dit وهذه صفات عندهم تحصر بالاكتساب, tu peux les acquérir ces caractéristiques là. ولهذا طلب النبوة بعض المتصوفة فهي عندهم صنعة من الصنائع. وهذا قول باطل يرد عليه قول الله تعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بما يصلح لها وليس اكتسابا من قبل العبد صحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الدلال donc le cheikh il dit et cette idée qu'ils ont يعني même certains soufis ont demandé à Allah la prophétie parmi les soufis il y en a qui ont demandé à Allah d'être des prophètes et parce que pour eux tu peux l'acquérir cette chose là et il dit ça c'est une parole qui est fausse qui est réfutée par la parole d'Allah Allah il les cite en disant ils ont dit nous ne croirons pas jusqu'à ce qu'on ait été donné la même chose que les messagers d'Allah ont reçu Allah sait mieux où est-ce qu'il place son message Allah sait mieux où il place son message. C'est lui qui choisit où il, à qui il donne son message. Et dans un autre verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Donc Allah c'est lui qui choisit ses messagers parmi les anges et les hommes. D'accord? Et il dit donc, la prophétie c'est quelque chose qu'Allah il choisit selon sa sagesse et sa connaissance, et il choisit qui est plus propice pour être un messager et un prophète. Donc on va arrêter ici. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà